Yves Soil, c'est notre invité. Soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous rendre visite pour le 14e tome de Durango et pour le 3e de votre série Légende. Alors, Durango, c'est un personnage qui vous accompagne maintenant depuis combien de temps ? Une bonne vingtaine d'années ? Oui, depuis 1981, donc faisons le compte, ça fait 25 ans ou un peu plus. Et donc c'est vrai que là, on renoue avec les débuts d'une certaine façon. Mais bon, le personnage a évolué, l'auteur a évolué, c'est un nouveau dessinateur. Mais bon, c'est vrai que je tenais à ce que le personnage, dans l'esprit, soit ce qu'il était au début, lorsqu'il avait évolué au fur et à mesure des aventures, et là il était un petit peu figé, je dirais. Et bon, j'ai fait une pause parce que je n'avais plus envie de dessiner moi-même du western, et là, comme j'ai eu l'occasion de trouver quelqu'un qui pouvait être un très bon repreneur, je disais, au niveau du dessin, eh bien, on a relancé la série avec beaucoup de bonheur, quoi. Est-ce que c'est difficile, ça, de déléguer le dessin qu'on a maîtrisé soi-même pendant si longtemps ? Mais dans ce cas-ci, non, parce que j'estime que finalement, au niveau atmosphère western, et je dirais le western tel qu'on l'aime tous les deux, c'est-à-dire un peu western italien, le nouveau western américain, eh bien, Thierry est plus pointu que je ne l'étais. Moi, je suis un peu éclectique, donc c'est pas pour rien que j'ai fait du fantastique, maintenant du Moyen-Âge, alors que lui est vraiment dans le western jusqu'au cou, je dirais, baigne dedans à fond, et donc je trouve que, à la limite, graphiquement, la reprise est meilleure que l'original. Et je trouve que quand on fait une reprise, bon, j'ai eu une mauvaise surprise avant avec Dampierre, mais c'est de l'histoire ancienne, donc je voulais qu'à la limite, en faisant une reprise, d'abord le scénario, bon, je voulais retrouver certains points principaux et certaines choses, mais surtout au niveau graphique, il fallait que ça soit quasi meilleur que et que ça fasse oublier, je dirais, l'original. Un album de Durango qui sort en même temps qu'un album de Légende. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez en parallèle sur plusieurs projets ou bien ce sont simplement des hasards de calendrier ? C'est-à-dire que bon, là, c'est un peu le hasard du calendrier parce que je crois que à la base, le Durango devait sortir un peu plus tôt, mais comme c'était le premier album qu'il faisait, il a retravaillé des choses, etc. pour s'adapter un petit peu. Ceci dit, c'est vrai que je vais être amené de plus en plus maintenant avec Soleil à travailler sur, je dirais, 3-4 projets, à mon avis, d'ici l'année prochaine, en parallèle. Et donc, sur des rythmes d'un an et demi. C'est-à-dire que, bon, ben, il y aura un Légende tous les ans et demi, il y aura un Durango, et puis il y aura d'autres choses, dont peut-être même le Prince de la Nuit qui reprendra, etc. Donc, voilà. Il y aura une espèce de roulement comme ça. Ici, c'est un peu le hasard qui fait que les deux albums tombent en même temps. Parce qu'il y a des similitudes, quand même. Vous venez d'évoquer le Prince de la Nuit. Ce sont à chaque fois des univers très différents, mais des personnages solitaire au centre de vos histoires, des quêtes impossibles et puis des univers complètement fantastiques. Oui, c'est-à-dire il y a sûrement tout ce qui concerne ma propre psychologie, entre guillemets, et ma personnalité qui sont projetés là-dedans un petit peu. Pas seulement, parce que bon, pour avoir un propos général qui intéresse tout le monde, il faut pas que ça soit nombriliste non plus. Mais enfin, bon, il y a des choses que j'aime particulièrement bien et que j'aime bien retrouver au cinéma aussi, etc. Et donc, j'ai coutume de dire que les albums que je fais, aussi bien au niveau western qu'au niveau médiéval, je les fais en pensant à ce que j'aimerais voir au cinéma. Alors, il y a la composante du personnage solitaire, bon, qui doit avoir, bon, je dois avoir un peu cette composante-là quelque part, mais c'est ça que j'ai envie de traiter, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien traiter les archétypes, c'est-à-dire que Durango est un petit peu l'archétype de ce qu'était le personnage des premiers westerns italiens, mais de qualité dans les années 60-70, que ce soit Le Grand Silence de Sergio Corbucci ou d'autres, ou Django, bon, malgré que ça ait vieilli un petit peu, mais les personnages en eux-mêmes avaient quelque chose de fascinant. Et donc c'est ce personnage-là que j'essaye de restituer. Au départ, c'est l'archétype, mais après je le fais évoluer vers des choses un peu plus particulières. Avec le vampire, c'était pareil dans Le Prince de la Nuit. Bon, au départ, c'est un vampire, je dirais, moderne, un peu plus romantique que ce qu'était Christopher Lee. Mais c'est le propos dans le contexte de l'histoire de vampire et dans le contexte gothique qui devenait différent de ce qu'il est ici. Pour les gens, c'est pareil. C'est-à-dire que ça démarre, il y a le personnage qui est l'archétype du chevalier errant tel que j'aimerais le voir au cinéma. Donc, j'essaye de le faire le plus parfait possible avec toute la mythologie qu'il y a derrière et même dans le visuel et tout. Mais après, ce que je vais raconter dans la série sera peut-être différent de ce qu'on a déjà vu ou lu jusqu'à présent. Alors on sent vraiment la série évoluer dans Légende. Dans le premier tome, vous plantiez le décor et vous campiez les personnages. On les sent s'épaissir à mesure que l'histoire avance. Et là maintenant, on commence franchement à trépigner jusqu'au c'était prévu. C'était prévu comme ça. C'est-à-dire que là, c'est vrai que j'ai mis du temps à installer tout le monde et surtout le personnage de Tristan lui-même qui, en fait, a vécu jusqu'à 16 ans environ, dans un contexte tout à fait sauvage, sans loi ou avec des lois totalement différentes de celles qui étaient la société moyenâgeuse de l'époque, donc totalement en marge. Hein. On va peut-être résumer l'histoire globalement pour ceux qui n'ont pas encore lu oui. Légende. Tristan est le fils du roi assassiné. Mmh. Il est confié à une meute de loups avec laquelle il vit pendant une dizaine d'années. Oui. À un meneur de loups, en fait, qui, au lieu de le donner à manger à ses congénères, le garde parce que, bon, c'est quelqu'un qui sait parler et qui a quelque part besoin de contact humain. Donc, finalement, il adopte le nouveau-né comme étant son fils et il l'éduque. Mm-hmm. Mais c'est une espèce d'éducation animiste, je dirais, totalement naturelle et tout à fait dénuée de tout ce qui est social en dehors de la société des loups elles-mêmes, en fait, qui donne pas des exemples aussi de respect, de hiérarchie, etc., ce qu'on retrouve dans le premier album. Et puis après, bon, ben, pour faire son éducation, je dirais, parmi les hommes, il se retrouve dans une bande d'égorgeurs, de bandits des grands chemins, où les règles sont aussi très peu, je dirais, orthodoxes par rapport à ce qu'il devra connaître avant. Et en fait, tout l'intérêt, ce sera par la suite, le fait que là, il est récupéré en fin d'histoire pour avoir une éducation, elle, beaucoup plus orthodoxe, qui doit en faire le futur duc et celui qui va reprendre le duché. Mais ça va être très dur, parce que comment inculquer les lois de la chevalerie, qui sont d'ordre très religieux aussi, mais catholique, à cette époque-là, à quelqu'un qui a eu un vécu comme ça. Donc tout l'intérêt de l'antagonisme entre les deux influences. Quoi. Mais c'est carrément une histoire initiatique. Les trois premiers albums, oui, tout à fait. Et la suite aussi, mais d'une autre initiation, et qui fera un personnage complexe qui finalement ne sera jamais tout à fait adapté. Je veux dire, il ne pourra jamais s'adapter à devenir duc. Donc voilà, pas la peine de raconter toute la suite. Et puis il y a les personnages en parallèle, comme Éole par exemple, qui lui a une éducation totalement instrumentalisée par son père. Et on verra que ça aura des résultats très particuliers aussi dans ce contexte-là. Donc il y a toute une série de personnages dont j'ai installé, je dirais, la psychologie que les gens connaissent très bien, etc. Et ce n'est qu'à partir du quatrième que le véritable antagonisme commence, avec toute cette psychologie, etc. Sans faire un récit peut-être plus riche qu'une simple histoire d'épée d'heroic fantasy habituelle, quoi. Quand on commence une histoire comme celle-ci, est-ce que dès le premier coup de crayon, on sait exactement où on va jusqu'au dernier album? En gros, je dirais. C'est-à-dire que bon, ben, j'ai un plan. Je ne sais pas combien d'albums il y aura, mais je sais où je dois arriver. Je connais les principales étapes. Après, je laisse aussi une partie un petit peu libre à l'imagination et au changement. Bon, ben, parce qu'il faut une certaine liberté aussi dans ce genre de récit. Mmh. Alors, dans le dessin, on reconnaît vos premières amours du journalisme. Hein, c'est parfaitement documenté, ouais. Avec un souci du détail qui va vraiment jusqu'à l'extrême. Oui, j'essaie de pas commettre d'anachronisme. Parce que bon, malgré tout, il y a pas mal de lecteurs de ce genre de séries qui sont des connaisseurs au niveau moyenâgeux, etc. Et puis c'est le plaisir aussi, honnêtement. C'est un des plaisirs en tant que scénariste et auteur. C'est un de mes grands plaisirs, c'est d'aller dans les librairies, trouver des bouquins sur l'architecture romane, sur les costumes, etc. C'est un des plaisirs du métier, quoi. Yves Swalls, merci beaucoup. À signaler encore qu'une exposition légende a lieu depuis le 4 mai et se tient jusqu'au 3 juin à la librairie Slumberland à Namur. Et puis on rappelle que le 14e tome de Durango vient de sortir, titre de l'épisode Un pas vers l'enfer, que vous co-signez avec Thierry Giraud. Et puis le tome 3 de Légende vient de sortir également, le titre de cet épisode, La Grande Battue. Merci à vous.